En présence des 8 chefs d'État parmi les plus puissants de la planète, qui possédaient près de la moitié des votes à la Banque mondiale, je fis part au dîner de mon intention de détruire ma création et fis circuler des polaroïdes du monstre que mes collaborateurs avaient pris à l'abri d'un miroir sans teint. Cependant, j'appréhendais leur réaction à l'image de leur corps à tête d'aigles royaux, de feuilles mortes ou de soleil couchant et d'ours bruns. À la vue des clichés, le président à tête de caniche s'enthousiasma le premier. Quelle splendeur! On dirait Chris Waddle, un des meilleurs joueurs de foot au monde. L'homme à tête de faux volcan souriait de toutes ses dents comme des touches de piano. Il y vit un téton de Vénus. Il s'empressa d'ajouter que c'était sa pâtisserie préférée, ronde et doucereuse. L'homme à tête de chacal, le porte-parole de ces dieux qui décidaient du paradis ou de l'enfer d'une décision, conclut, s'avançant vers moi les bras tendus. « C'est magnifique, mon cher Maurice. Votre créature nous pousse à aller vers quelque chose de neuf. »